Le véhicule de police que j'aperçois dans mon rétroviseur utilise ses avertisseurs sonores et lumineux spéciaux. Cela signifie qu'il se rend sur les lieux d'une intervention urgente. Je dois donc lui faciliter le passage. Mais dans cette rue, cela m'est visiblement impossible. Il ne me reste qu'une alternative, évacuer la rue au plus vite en tournant à gauche ou à droite, mais en faisant tout de même attention à la circulation. Réponse B.